le frère de Leonato, Antonio, lui apprend qu'un de ses serviteurs a entendu Claudio avouer à Don Pedro son amour pour Héro. Leonato part aussitôt en avertir sa fille. Dans une autre salle du palais de Leonato, Don Juan, quoique réconcilié avec son frère Don Pedro, confie à Conrad, un des hommes de sa suite, son mécontentement. Et celui-ci lui répond : « Vous vous êtes récemment soulevé contre votre frère. Il vous a tout nouvellement replacé dans sa faveur. Or, vous ne pourrez y prendre vraiment racine que si vous maintenez le beau temps. Il faut que vous fassiez la saison nécessaire à votre récolte. » « J'aimerais mieux, Conrad, être un ver sur une ronce qu'une rose épanouie dans sa faveur. Je m'accommode mieux d'être dédaigné de tous que de contraindre mes allures pour extorquer leur sympathie. S'il est impossible de dire que je suis un honnête homme flatteur, il sera du moins avéré que je suis un franc coquin. On me lâche avec une muselière. On me fait voler, mais attaché. Eh bien, je suis décidé à ne pas chanter dans ma cage. Si j'étais démuselé, je mordrais. Si j'avais ma liberté, je ferais ce qui me plairait. Jusque-là, laisse-moi être ce que je suis et ne cherche pas à me changer. Ne pourriez-vous pas faire quelque emploi de votre mécontentement? J'en fais tout l'emploi possible, car je ne fais rien qu'avec lui. Qui vient ici? C'est Boracchio, un autre homme de sa suite. Quelle nouvelle, Boracchio? J'arrive d'un grand souper qui se donne là-bas. Le prince, votre frère, est traité royalement par Leonato, et je puis vous donner des nouvelles d'un mariage en projet. Peut-il servir de patron pour bâtir quelque méchanceté? Quel est le fou qui s'est ainsi fiancé à la tribulation? Eh bien, c'est le bras droit de votre frère. Qui? Le très précieux Claudio? Lui-même? Un chevalier parfait. Et l'autre? Et l'autre? Sur qui a-t-il jeté les yeux? Eh, sur Héro, la fille et l'héritière de Leonato. Une poule assez précoce. Comment as-tu su cela? J'étais occupé à brûler des parfums dans une salle mal aérée quand le prince et Claudio sont arrivés, bras dessous, en conférence sérieuse. Je me suis fourré derrière la tapisserie, et là, je les ai entendus convenir entre eux que le prince rechercherait Héro comme pour lui-même, et que, quand il l'aurait obtenu, il la donnerait au comte Claudio. Allons, allons, rendons-nous là-bas. Ceci peut fournir un aliment en ma rancune. C'est à ce jeune parvenu que revient toute la gloire de ma chute. Si je puis le traverser par quelque chemin, je m'ouvre tout le chemin du bonheur.